Chapitre 3. Une ligne ininterrompue de fidèles. Dieu est-il en train de perdre le grand conflit? Lucifer, autrefois l'ange le plus élevé des cieux, et transformé en Satan par son propre choix orgueilleux, pouvait, suite à certaines mesures, paraître gagner la grande guerre qu'il a entreprise. Non seulement il a entraîné avec lui un tiers des anges, mais il a gagné à sa cause la grande majorité des êtres humains. Satan a choisi. Adam et Ève ont choisi, puis choisi à nouveau. Caïn et Abel ont choisi. À partir de ce début, toute personne née dans ce monde a été confrontée au même choix. Et aujourd'hui, depuis l'an 2000, la plus grande majorité des 6,5 milliards d'habitants de la Terre a pris position contre Dieu et en faveur de ses ennemis. Mais les fidèles et véritables partisans de Dieu ont toujours été et seront toujours une minorité. Le petit nombre des fidèles. Ceux qui ont choisi le chemin étroit qui monte. Ceux qui se tiennent du côté de Dieu, quel que soit le prix qu'ils aient à payer pour cela. L'histoire de ce livre est celle de la chaîne ininterrompue des fidèles, partisans de Dieu, depuis Adam jusqu'à ceux de nos jours. Revenons donc en arrière, maintenant, et commençons à tracer l'histoire de ceux qui ont choisi de se mettre du côté de Dieu, quand bien même la majorité aurait choisi le côté de son ennemi déclaré. Après la mort d'Abel, Dieu a donné à Adam et Ève un autre fils du nom de Seth. Seth choisira d'être loyal à l'égard de Dieu, tout comme Abel, son frère qu'il n'a jamais connu. Pendant plusieurs générations, les descendants de Seth marcheront dans ses pas, faisant le choix de suivre le Dieu qui autrefois a marché personnellement avec leur ancêtre Adam. Adam a vécu près de 1000 ans, assez longtemps pour transmettre en personne l'histoire de son choix tragique. Et pour avertir ses nombreux descendants des terribles conséquences que son choix a générées. Pendant ce temps, Caïn et ses descendants ont choisi leur propre territoire, et génération après génération ont continué à se rebeller contre Dieu. Mais avec le temps, les descendants de Seth et les descendants de Caïn commencèrent à se mélanger et à se marier entre eux. Sous peu, la majorité des descendants de Seth se montreront déloyaux à l'égard de Dieu, et choisiront la position rebelle de la famille de Caïn. Bientôt, la majorité des êtres humains se trouvera engagée aux côtés des ennemis de Dieu. Cependant, formant un vif contraste avec la corruption générale, une lignée d'hommes transformés par la communion avec le ciel donnait le spectacle d'une vie sainte et pure. Écrit Ellen White, Patriarche et prophète, page 61. Une lignée de saints hommes. Une lignée qui a commencé avec Adam et Ève. Une lignée qui se poursuivra, sans faille, à travers les siècles, pendant 6000 ans. Une lignée que l'on peut encore découvrir aujourd'hui. Dans cette lignée de saints hommes, selon la Bible, l'un des premiers fut Enoch, 7 générations après Adam. Entouré par une population du monde qui s'accroissait rapidement, et dont la majorité défiait ouvertement Dieu et ridiculisait sa vérité, Enoch marcha avec Dieu. Alors que la majorité du monde méchant n'avait rien à faire de Dieu, Enoch cherchait passionnément à mieux connaître son Dieu. Enoch n'a pas perdu le contact avec ceux qui ont pris position contre Dieu. Il ne s'est pas retiré sur quelques montagnes pour méditer 24 heures par jour et 7 jours sur 7 pour devenir plus saint. Non, mais il nous a laissé un exemple, à nous qui vivons dans un monde de plus en plus incrédule, un exemple de la façon d'être dans le monde mais pas du monde. Marcher avec Dieu pour Enoch, ce n'était point passer ses heures dans l'extase ou la contemplation, mais remplir fidèlement tous les devoirs de la vie quotidienne. Loin de s'isoler et de vivre en ermite, il se sentait investi d'une mission au sein de la société. Idem, Patriarche et prophète, page 62. Pendant 300 ans, Enoch rechercha Dieu avec passion. Il en viendra à connaître Dieu intimement. C'est alors que quelque chose d'étonnant se produira. Disparut. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, parce que Dieu le prit. Genèse 5:24. Enoch fut ravi au ciel, sans mourir, dans la présence immédiate de Dieu. Sur terre, l'absence d'Enoch fut amèrement ressentie. Mais au travers de ce miracle, Dieu avait une leçon vitale à enseigner à ses partisans encore sur la terre. La translation d'Enoch renfermait un grand enseignement. Les suites lamentables du péché d'Adam aurait pu donner lieu au découragement. Beaucoup de gens étaient prêts à s'écrier « À quoi nous sert-il d'avoir été fidèles à Dieu, puisque l'humanité est frappée de malédictions et que la mort nous atteint tous ?» Mais les instructions données à Adam, répétées par Seth et pratiquées par Enoch, dissipèrent ce nuage de scepticisme et ranimèrent l'espoir des croyants. De même que la mort était venue par Adam, la vie et l'immortalité allaient venir par le Rédempteur promis. Satan avait répandu la croyance qu'il n'y a ni récompense pour les justes, ni châtiment pour les injustes, et que d'ailleurs, il est impossible d'obéir aux exigences divines. Par Enoch, Dieu avait déclaré au contraire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. Il avait prouvé aux hommes que même au sein d'une société corrompue, il est possible, par sa grâce, d'obéir à sa loi et de résister à la tentation. L'exemple du patriarche avait démontré la valeur inestimable d'une vie pure. Son ascension imprima un sceau ineffaçable de certitude à sa prophétie. Récompense immortelle pour les justes, condamnation ignominie et mort éternelle pour les transgresseurs. Ellen White, Patriarche et prophète, page 64-65. Quelles sont donc les leçons importantes de la vie et de la translation d'Enoch? La translation d'Enoch a fait naître l'espérance dans le cœur des fidèles encore sur terre. Elle prouve que les justes auront une récompense, tout comme les méchants seront finalement punis. La vie d'Enoch montre qu'il est possible de garder les commandements de Dieu et de résister à la tentation, même en étant entouré par un monde de corruption et de rébellion. La translation d'Enoch est un petit exemple de la récompense ultime dont bénéficieront les fidèles partisans de Dieu dans l'avenir. Ces leçons n'étaient pas uniquement pour les amis d'Enoch qui sont restés après sa translation. Elles sont aussi pour nous aujourd'hui, pour vous, pour moi. Choisir de se mettre du côté de Dieu conduit à une récompense, maintenant et pour l'éternité à venir. Et la vie d'Enoch prouve qu'il est possible de rester fidèle et obéissant à Dieu, quelle que soit la méchanceté du monde qui nous entoure. Attention! Vivre une vie d'obéissance n'est pas le résultat de votre volonté, de votre force ou de votre détermination. Revoyons une déclaration d'une citation antérieure. Il avait prouvé aux hommes que même au sein d'une société corrompue, il est possible par sa grâce d'obéir à sa loi et de résister à la tentation. Pardon et puissance. La grâce de Dieu a deux dimensions. Elle est pardon aussi bien pour notre état de pécheur, ce que nous sommes, que pour les péchés que nous commettons, ce que nous faisons. Mais la grâce est aussi puissance pour nous préserver de l'action de péché. Nous avons besoin des deux. Comme le virus du péché, de l'égoïsme, continuera toujours d'agir en nous pour nous séduire, nous aurons besoin de cette double grâce jusqu'au retour de Jésus. Cependant, Dieu nous offre la possibilité de lui ressembler toujours plus en croissant dans la grâce, c'est-à-dire en apprenant chaque jour à dépendre toujours plus de lui. Si vous voulez examiner la lignée de fidèles, relisez le 5e chapitre de la Genèse. Génération après génération, la Bible décrit la descendance directe des fidèles de Dieu, depuis Adam jusqu'à Noé. Dans cette lignée, vous découvrirez qu'Enoch a eu un fils nommé Mathusalem, l'homme qui a eu la plus longue vie de l'histoire humaine. Mathusalem a vécu jusqu'à l'âge étonnant de 969 ans. Le fils de Mathusalem, du nom d'Enoch, sera le père de Noé. Il n'est pas nécessaire de décrire en détail la vie et le ministère de Noé. Tout enfant chrétien sait que Noé a construit une arche et prêché à un monde mauvais pendant 120 ans. Le monde est devenu méchant au-delà de toute description. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre, et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Genèse 6:5. Avant que la fidélité ne soit totalement submergée par le mal, Dieu entra en scène et envoya un déluge universel qui détruisit toute la population méchante de la terre. Les seuls survivants furent les 8 membres proches de la famille de Noé qui sont entrés dans l'arche et ont ainsi échappé au déluge. L'humanité allait connaître un nouveau départ, un nouveau commencement. Mais même Noé et sa famille ont porté le virus du péché, car il n'a pas fallu longtemps pour que certains descendants de Noé abandonnent son exemple et son enseignement, choisissent de se tourner contre Dieu et poursuivent leurs propres désirs égoïstes. Et à nouveau, ces partisans de Satan se sont multipliés et répandus sur la terre. Ces rebelles à l'égard de Dieu ont rapidement sombré dans la violence, le paganisme et les formes les plus dégradantes de l'immoralité. En se séparant des fidèles partisans de Dieu, ils se sont installés dans une vaste plaine et ont décidé de construire la plus grande cité de la terre. Elle devait posséder une tour si élevée qu'elle ferait l'admiration du monde entier. La grande tour de Babel a commencé à s'élever vers le ciel. Satan, celui qui, derrière le rideau, incite les hommes à la rébellion et travaille par leurs moyens à atteindre ses propres objectifs, a dû avec suffisance se sentir récompensé par les progrès de la ville de Babel. Mais Dieu n'a jamais permis au grand ennemi de guerroyer sans lui faire front. Avant que la tour ne soit achevée, Dieu est entré en scène et a confondu les langues des bâtisseurs. La construction fut soudainement arrêtée. Les projets des constructeurs de Babel s'effondrèrent dans la défaite et la honte. Le monument de leur orgueil devint celui de leur folle. Néanmoins, les hommes continuèrent, à l'exemple de Satan dans le ciel et de Caïn sur la terre, à marcher dans la même voie, à agir à leur guise et à rejeter la loi de Dieu. Il existe encore aujourd'hui des bâtisseurs de tours. Les mécréants échafaudent leurs théories sur de prétendues déductions de la science et rejettent la parole révélée. En prononçant un jugement sur le gouvernement moral de Dieu, ils méprisent sa loi et prônent la suffisance de la raison humaine. Ellen White, Patriarches et Prophètes, page 100. Des bâtisseurs de tours. La tour de l'évolution, la tour de la raison humaine, la tour de la science qui s'élève plus haut que la parole de Dieu. La tour du code moral conçue par les hommes et qui rejette la loi de Dieu. Mais ces tours tomberont finalement elles aussi. Le livre de l'Apocalypse insiste, Dieu ne permettra pas à Satan de construire une nouvelle Babylone sans s'opposer à lui. Oui, une nouvelle Babylone s'élève même maintenant, mais elle aussi connaîtra la chute. Avec le déluge, il a été donné à la lignée des fidèles une nouvelle chance de survivre, et elle a survécu. Le chapitre 11 de la Genèse établit sa généalogie depuis Sem, le fils de Noé, en passant par diverses générations jusqu'à l'un des géants de la foi de l'Ancien Testament, Abraham, qui prendra plus tard le nom d'Abraham. Nous supposons que les lecteurs de ce livre connaissent bien l'histoire d'Abraham, l'alliance que Dieu a faite avec lui, selon laquelle il deviendrait le père d'une grande nation. L'appel adressé par Dieu à Abraham de tout laisser et de partir sans savoir où aller, pour aller dans un pays que Dieu lui montrerait. La fuite de Lot, son neveu, hors de Sodome, une ville si totalement plongée dans le mal, avec sa voisine Gomorre, que Dieu a retranché leur présence cancéreuse de la terre. Et bien sûr, la naissance miraculeuse du fils promis, Isaac, alors qu'Abraham avait 100 ans et sa femme Sarah 90. Isaac, à son tour, sera père de jumeaux, Jacob et Ésaü, et ces deux garçons exercèrent le libre choix de vie que Dieu leur avait accordé. Ésaü s'est rebellé et s'est placé du côté des ennemis de Dieu. Jacob, malgré certains défauts dans des circonstances importantes, s'est inscrit dans la voie des fidèles. Après une longue nuit de lutte avec un ange qui s'avéra être Dieu lui-même, Jacob reçut le nom d'Israël. Les 12 fils d'Israël devinrent les pères des 12 tribus d'Israël. Et Israël fut particulièrement choisi par Dieu pour préserver, défendre et faire connaître au monde alentour la vérité sur le caractère de Dieu. La vision de Dieu, son intention pour Israël, est époustouflante. Il l'a choisi pour démontrer aux nations incroyantes qui l'entouraient la puissance de sa grâce et de son amour. Il l'a choisi pour être celui qui prend soin de sa vérité, non pour la thésauriser, mais pour la préserver tout en la partageant avec les multitudes païennes. Il l'a choisi pour préparer la voie du Rédempteur qui devait sortir du milieu de lui. La lignée des fidèles qui a commencé avec Adam et Seth, qui s'est prolongée au travers des patriarches Enoch et Mathusalem, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, aboutissait maintenant à une nation tout entière, particulièrement choisie par Dieu